Lettre de Juliette à Victor. 1er février 1838. Jeudi, 1h15 après-midi. Bonjour, mon adoré bien-aimé, toujours plus grand et toujours plus aimé. J'ai bien peu dormi cette nuit, mais en revanche, j'ai beaucoup pensé à vous. J'ai repassé dans ma tête tous les beaux vers que j'avais entendus, et ce sont les applaudissements qui m'étaient restés dans l'oreille qui m'ont probablement tenu éveillé toute la nuit. Quelle belle représentation! Plus la pièce est jouée, et plus elle est comprise et admirée. C'est que jamais rien de plus grand et de plus beau ne s'était montré à l'intelligence humaine. Il semble, en sortant de là, que le public soit plus grand lui-même. C'est du moins l'effet que cela me fait à moi. Que je t'aime, mon adoré, il me faut toujours en revenir là. Je vais de l'amour à l'admiration, et de l'admiration à l'amour, sans pouvoir et sans vouloir jamais sortir de ce cercle. C'est si doux de t'aimer, c'est si beau de t'admirer, que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de recommencer jusqu'à la consommation de ma vie. Joie, mon petit gros, je vais me lever pour déjeuner en tête-à-tête avec Claire. Je voudrais bien savoir si on donnera mon Hernani demain. Il faudrait que ces sociétaires fussent bien stupides et bien hostiles pour arrêter un succès de gloire et d'argent pour eux, chose qui ne leur arrive pas tous les jours, soit dit en passant. Je t'aime, toi, je t'adore. Et vous, Juliette? 1er février, jeudi soir, 7h30. Tu n'es pas revenu, mon cher adoré. Heureusement que Madame Pierceau n'avait pas à sortir. J'ai fait, au reste, ma petite sortie sur le théâtre, et j'ai trouvé la même discrétion et le même silence dans Madame Pierceau. Il est évident que depuis la première représentation de Hernani, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que nous ne connaissons pas. Tout cela ne serait rien et moins que rien si cela n'empêchait pas les écus d'arriver dans notre poche. Je dis « notre poche » comme la servante du curé. Pauvre adoré, quelle haine et quelle animosité! Et comme tu restes bon, noble, généreux et grand au milieu de tout ça! Que je t'aime, mon Toto! Que je te trouve beau, que je te trouve admirablement bon. Mon Dieu, que je t'aime. Je voudrais te le dire toujours et te le prouver toujours. Je voudrais être ton chien pour te suivre partout et me coucher à tes pieds. Bien vrai, mon Toto adoré. Si tu pouvais venir bientôt, ça serait bien heureux pour mon pauvre cœur. Je prendrais ton cher petit bras et nous irions à pied jusque chez nous en nous aimant bien. Quel bonheur! Je t'attends, mon Victor, chéri. Je vous attends, Nono. Sois, pas, soir, ment. Dors bien, mon enfant. Juliette. 2 février 1838. Vendredi matin, 10h30. Bonjour, cher bien-aimé. M'aimes-tu? Penses-tu à moi? C'est te dire en même temps que je te le demande que je ne te quitte pas de la pensée et que je t'adore. C'est notre moi, celui-ci, et déjà je sens un parfum d'anniversaire qui me réjouit l'âme. C'est de ce mois-ci, depuis 5 ans, que j'ai commencé à vivre. Avant, j'étais dans un état de somnambulisme. Depuis 5 ans, mon adoré, je n'ai pas cessé de croire en toi, de t'adorer de toutes les forces de mon âme. Depuis 5 ans, je n'ai pas été une seule minute sans sentir croître en moi cette admirable chose qu'on appelle amour. Jour, toi, jour, vous, qu'est-ce que vous avez fait toute la nuit, gros Toto? Avez-vous eu soin de ne pas avoir froid, de ne pas vous coucher trop tard et de vous garer des voleurs? Je pense à cela toute la nuit, parce que je m'endors tard et que jusqu'à ce que je perde le sentiment de mon existence, je ne pense qu'à toi, mon bien-aimé. Je vais me lever tout de suite pour débarbouiller ma Claire. C'est ce matin qu'elle retourne à la pension. Vous recouvrez donc dès aujourd'hui vos grandes entrées que vous n'aviez pas perdues, mais dont vous profitez très peu, trop peu, pour mon bonheur particulier. Jour, vous, je ne vous en dis pas davantage, mais j'en pense plus. Juliette. 2 février 1838, vendredi soir, 8h. Je suis bien malheureuse, n'est-ce pas, de t'aimer au point d'en perdre la raison et la retenue qui convient à une femme de garder dans toutes les circonstances de sa vie. Je suis bien malheureuse, n'est-ce pas, il ne faudrait pas moins que tout ton amour pour me calmer et pour me consoler. Je n'en suis pas là, cependant. Je sais que tu es bon, que tu es généreux. Mais je ne sais plus si tu m'aimes. Je suis folle de chagrin. La vie me pèse et m'ennuie. Je n'ai jamais eu de bonheur depuis que je suis au monde, car je n'ose pas appeler de ce nom l'atroce passion qui, depuis 5 ans, me torture et me déchire le cœur par les tourments de la jalousie. Je touche, je l'espère, à une catastrophe qui me délivrera de tous mes maux à la fois. Je n'ai jamais, je crois, senti aussi vivement mon désespoir que dans ce moment-ci. Je me suis odieuse et insupportable. Je n'ai jamais trouvé la vie plus difficile et l'amour plus rempli d'amertume. Je suis triste, triste. Mon Dieu, quand donc la paix, je ne dis pas le bonheur, mais la paix de l'esprit, du corps et de l'âme. Pourtant tu es bien bon, bien dévoué, bien honnête, bien prévenu pour moi. Mais je ne sais pas être heureuse de toutes ces bonnes choses-là. Je ressemble à un âne à qui on donnerait des confitures à la place de chardon sous prétexte que c'est meilleur. Moi, je ne sais pas me nourrir avec de bons et nobles procédés. Il me faut une autre espèce de nourriture qui est de l'amour. Je vois bien maintenant qu'il me faudra mourir de faim. Juliette. 4 février 1838. Dimanche après-midi, 4h15. Si tu veux m'aimer autant que je t'aime, si tu veux avoir pour moi la 10e partie des attentions que j'ai pour notre amour, nous serons heureuses et tranquilles, et je ne pleurerai plus, et je ne maudirai plus notre amour, et je serai joyeuse, et j'aurai le bonheur sur les lèvres et dans les yeux. Mais cela peut-il redevenir ainsi? Est-ce qu'il est possible de faire reverdir l'arbre qui a été gelé sur pied? Je ne le crois pas, malgré mon ignorance en toutes choses et surtout en horticulture. Toi qui as été et qui es encore mon maître, tu peux seul me répondre et me rassurer. Et je suis si avide de consolation et si inséparable de mon amour que je te croirai de toute mon âme. Te voilà parti pour longtemps, je suis sûre. Tu n'es pas homme à te prodiguer 2 fois dans le même jour. Tout ce que je peux espérer, c'est de te voir un moment cette nuit. Je tâcherai d'ici là de reprendre ma gaieté. Tu m'as appris que les larmes étaient un mauvais hameçon pour prendre et retenir les amants. On prend plus avec la joie qu'avec les pleurs. Je ne l'ai pas oublié, et je veux sourire pour voir si je vous reprendrai, mon adoré. 5 février, lundi, 1h, après-midi. Bonjour, cher bien-aimé, penses-tu à moi un peu au milieu de tes occupations sans nombre? Moi, je ne fais que cela. Il est vrai que je n'y ai pas grand mérite, car je n'ai pas autre chose dans l'esprit et dans le cœur. Il a fait bien froid cette nuit, mon cher petit homme, et vous n'aurez sans doute pris aucune précaution pour vous en garantir, petit bêta. Je voudrais être sûr de la représentation de demain. Je ne sais pas pourquoi je suis inquiète et tourmentée à ce sujet. Il me semble que Beauvallet ne t'a pas assez promis. C'est que ce serait si fâché d'arrêter non pas le succès de la pièce, ce qui est impossible, mais l'argent qu'elle était si bien en train de donner dans nos poches, que ce serait bien fâcheux si l'interruption se prolongeait. Au reste, tu sais mieux que moi comment tu as trouvé le Beauvallet hier et ce qu'il t'a promis. Je voudrais bien voir cette représentation-là. C'est la seule distraction que je me permette depuis plus de 5 mois. Il est vrai que cette seule vaut mieux que toutes les autres. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour me l'ôter. Au contraire, j'espère donc avoir demain un petit coin d'où je verrai mon Hernani, non pas celui du Huy de Firmin, mais celui si beau, si noble, si terrible de mon grand Toto. Jour, mon cher adoré, je vous aime. Allez, ça vous est bien égal, mais moi je vous adore, comme si c'était nécessaire à votre existence. Vous verrai-je bientôt, mon Toto? J'ai bien besoin de vous baiser depuis la tête jusqu'aux pieds, et plus encore, Juliette. 5 février, lundi soir, 7h. Mon cher bien-aimé, tu as bien fait d'être loin tout à l'heure, car sans cela, je n'aurais jamais osé t'écrire ni te dire une parole d'amour. Je ne suis pas habitué à te voir injuste et méchant, et quand par hasard cela t'arrive, je ne sais plus où j'en suis. Tu n'as pas cet inconvénient avec moi, toi. Comme je suis méchante toute l'année, tu ne t'en effraies pas, et tu fais bien. Moi, c'est bien différent. Je crois que le tonnerre qui tomberait au milieu de ma chambre ne me causerait pas plus d'étonnement et d'effroi. Maintenant, la paix est faite et bien faite, n'est-ce pas, mon Toto ? Aussi, je peux me livrer à tout mon bavardage de cœur sans crainte que tu te moques de moi. J'ai bien froid, mon loup. J'ai voulu achever l'opération pendant qu'il faisait jour et longtemps après qu'il faisait nuit, de sorte que j'ai un froid de chien. Et puis, votre beau feu s'est éteint, vous, une fois parti, de sorte que je suis gelée jusque dans la moelle des os. Je suis sûre, cher petit dissimulé, que vous irez ce soir chez le ministre Turlutu. Avec vos airs d'en douter, vous savez bien que vous irez. Je vous pardonne votre dissimulation si c'est par jalousie. À votre place, j'en ferais autant. Ainsi, ne vous gênez pas. Mais à votre place aussi, je reviendrai le plus tôt possible. Et c'est ce que vous ne ferez pas, car vous ne m'aimez pas comme je vous aime. Et cette fois-ci, les mots ont plus de valeur que les actions. Je vous aime, je t'aime, mon adoré. Juliette. 13 février, mardi après-midi, 2h. Bonjour, mon cher petit bien-aimé, bonjour, mon adoré. Sans doute, tu es à la répétition. Jusqu'à ce que Marion soit donnée, je ne pourrai plus compter sur toi le matin. Je ne t'en veux pas, bien au contraire, pauvre âme. Je souffre de ton absence, mais je ne t'accuse pas. Je hâte de tous mes voeux la fin des répétitions pour que nous soyons un peu plus l'un à l'autre, et puis pour être sûr que la rage des comédiens qui ne jouent pas dans cette pièce a été impuissante devant le succès, car c'est encore ma pièce de prédilection que Marion. Je la sais tout entière, c'est le moyen le plus sûr de ne rien perdre de toutes ces merveilles éblouissantes. Jour, mon Toto, jour, mon Toto chéri, jour, en jour. Je vais écrire une petite lettre de remerciement à Madame Kraft, et puis je me lèverai, car je suis encore au lit, paresseuse. Je m'endors toujours si tard que ça n'est pas étonnant, et puis j'économise mon bois pendant ce temps-là. C'est toujours ça de gagner. Je voudrais bien savoir si le Vedel apparut à la répétition et comment il s'est tiré d'arrêter la seule pièce qui lui fait de l'argent pour donner celles qui lui font 300 et moins. Quelle haine et quelle rage au fond de tous les salamalecs de tous ces gens-là. Pour 3 ou 4 d'honnêtes, il y en a 20 d'ignobles et de stupides crétins qui aimeraient mieux l'enfer avec François que le ciel avec toi. Je dis François pour les CD, les SC et autres. Moi, je t'aime toujours plus. Voilà mon opinion. Juliette. 13 février, mardi soir, 6h30. J'espère, mon cher petit homme, que mes visites chez Madame Pierceot ne m'ôtent pas une seconde le bonheur d'être avec toi. Sans cela, j'y renoncerai avec enthousiasme. En arrivant chez elle, j'ai trouvé la D qui paraissait fort maussade et fort bête. Je te dirai comme tantôt quand je te verrai. Mon beau Toto, que je vous aime toujours plus, jamais moins. Je ne sais pas comment cela se fait, mais c'est toujours comme ça. Je voudrais déjà être à ce soir pour m'appuyer sur votre cher petit bras, et puis nous ferons des glissades pour épater les bourgeois, et nous tâcherons de ne pas leur montrer le chemin des épatements à ces hideux bourgeois. Je t'aime, toi, va. Je vous aime, vous. Si tu pouvais venir très tôt, quel bonheur! J'ai un froid de chien. Il vient du vent de partout, qui me glace les pieds et le cou. Il y a cependant bon feu partout. Décidément, il ne fait bon et chaud que là où vous êtes, mon cher petit homme errant. Je baisse tes pieds, tes mains, tes yeux, tes dents et ton âme. Je t'adore, mon Toto. Juliette. 15 février, jeudi, 12h15. Bonjour, mon bien-aimé. Bonjour, mon cher petit homme adoré. Tu travailles toujours, mon bien-aimé, et j'aurais bien mauvaise grâce à me plaindre de cette affreuse nécessité qui fait que tous mes besoins retombent sur toi en veille et sur moi en absence. Tu peux croire, quand je me plains, que ce sont des mots, de vaines formalités extérieures pour te remercier de me consacrer ta vie. Mais moi, je ne me trompe pas. Je sais bien ce que je sens et ce que je souffre, et c'est bien près du découragement et du désespoir. Cependant, j'ai mandé la couturière. C'est au moins une contradiction apparente avec les regrets et les chagrins que me cause notre position. Mais moi, je sais bien que je suis parfaitement conséquent avec moi-même. Je sais que la seule robe que je mets depuis 5 ans, et surtout depuis 1 an, ne peut plus me rendre aucun service, et personne, pas même toi, ne saura l'amour dévoué et profond que j'ai pour toi. Je t'aime, mon Victor, je ne fais que penser à toi, et quand je dors, je rêve de toi. J'ai l'esprit, le cœur et l'âme pleins de toi. Je suis triste, je suis découragée. Il me semble impossible que tu puisses m'aimer longtemps à ce métier-là. J'en ai si peur que je ne vois la vie qu'à travers cette inquiétude. C'est ce qui me la fait voir si laide et si insupportable. Je t'aime trop. Juliette. 15 février, jeudi soir, 9h30. Vous seriez bien injuste, mon Toto, si vous étiez mouson pour la lettre de Claire. J'avais reconnu son écriture et surtout l'orthographe de la rue, et de plus, je savais très bien que vous alliez revenir pour les clés. C'est pourquoi je me suis permis d'ouvrir la lettre de cet enfant, craignant qu'elle ne soit malade, puisque j'ignorais qu'elle dût m'écrire. Si vous saviez jusqu'où pousse la fidélité et le scrupule avec vous, vous seriez bien tranquille et bien jour. Je t'aime tant, mon Toto, que tu n'as rien à craindre de rien. Je ne sais pas ce qui pourrait me faire oublier que je te dois tout et que tu es mon amour, c'est-à-dire plus que la vie, la lumière, l'air et le soleil. La mère Lanvin est partie et doit revenir samedi pour rapporter le velours, si nous avons l'argent pour cela. Elle s'est beaucoup moquée de la crainte que j'avais que tu sois fâchée. Elle prétend que lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on ne doit rien craindre. Mais moi je sens que quand on aime comme je t'aime, fût-on aussi sainte et aussi vertueuse que la Vierge Marie, on a à craindre de déplaire à son Toto, sous quelque prétexte que ce soit, vrai ou faux, juste ou injuste, et je t'aime tant et je te suis, si fidèle. Juliette. 16 février, vendredi, 12h15. Bonjour, cher bien-aimé. Je souhaite, mon amour, que tu n'aies pas passé une aussi mauvaise nuit que moi. J'ai à peine pu dormir quelques heures d'un mauvais sommeil, et le reste du temps, j'avais le cœur oppressé, comme si j'étais sous le coup du plus grand malheur. Hélas, si tu te mets à présent à ne pas venir du tout dans la soirée, que deviendrai-je, puisque tes répétitions t'empêchent de venir le matin? Cependant, tu te reposes bien quelques heures dans la nuit, pourquoi ne pas donner la préférence à mon lit? Tu te lèverais aussi matin que tu le voudrais. Ton déjeuner et toutes tes petites affaires seraient prêtes pour quand tu en aurais besoin. Il ne manque plus à cela que ta bonne volonté, et je crois qu'il y en a bien peu, puisque depuis 15 jours je vis seule et abandonnée à mes réflexions qui ne sont pas des plus gaies. Je t'aime trop, nous sommes trop pauvres pour que cela puisse durer longtemps comme ça, car enfin l'amour ne se nourrit pas seulement de pot-au-feu et ne se chauffe pas qu'avec du bois au poids et la mesure. Il faut encore autre chose. Et ce quelque chose, tu ne peux pas me le donner. Oh, je suis triste et malheureuse. La vie m'est bien odieuse depuis quelque temps. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Juliette. 16 février, vendredi soir, 4h15. Voici bientôt 5h, mon Toto bien-aimé, et je ne vous ai pas encore vu. Il y aura 24 heures que je ne vous aurai pas embrassé, en supposant que vous veniez tout de suite, ce qui est rien moins que sûr. Comment voulez-vous, après cela, que je ne sois pas très triste et très démoralisée? J'espère que tu n'es pas allée pour cette loge à l'opéra. Je n'ai pas la moindre envie d'y aller, au contraire, je désire fort rester dans mon coin, à broyer du noir, tant que je pourrai. Quant aux Guérard, ils iront une autre fois. J'ai très mal à la tête et encore plus mal à l'âme. Je suis cependant bien heureuse et bien favorisée dans mes amours, il faut en convenir, et j'ai bien mauvaise grâce à me plaindre. En attendant, je souffre et je me consume en désirs qui ne sont pas satisfaits, car tu y mets peu de bonne volonté et peu d'empressement. Je souffre, entendez-vous, mon bien-aimé, je souffre. Pensez-vous que cela puisse vivre longtemps? Dites-le-moi, afin que je me règle là-dessus. Je t'aime, je t'adore. Juliette. 18 février, lendemain de notre anniversaire. Je suis au désespoir. Je viens de m'apercevoir qu'à force de préoccupations, j'avais laissé échapper notre anniversaire. Cependant, je ne pense pas à autre chose depuis que nous sommes entrés dans ce mois-ci, comme tu as pu t'en apercevoir dans ma lettre du 1er février. Ne penser qu'à cela, n'avoir que cela dans la tête, et le laisser échapper juste un moment. Mon Dieu, que je suis malheureuse. Pour rien, je m'en irai au bout du monde. Rien ne me suffit. Je passe ma vie à aimer, à penser à mon amour, et l'excès même de cette préoccupation fait que je manque la seule chose au monde qui m'intéresse, l'anniversaire de notre amour. Je crois que je suis bien près de perdre la tête. Je souffre dedans des maux inouïs. Mon Dieu, quelle passion que la mienne, et qu'il est triste de t'aimer autant. Tu es bien coupable, toi dont l'amour n'altère pas la mémoire, de ne m'avoir rien dit hier. Merci, va, je souffre aujourd'hui, merci. Depuis 5 ans, ce n'est pas la première fois, et par ta faute, je suis bien malheureuse. Mon Dieu, Juliette. 18 février, lendemain de notre anniversaire. Je viens de t'écrire je ne sais quoi, ou plutôt je viens d'exhaler, en cri de douleur, le moment perdu de notre anniversaire. J'ai bien besoin que tu me consoles, j'ai bien besoin que tu me rassures. Je crains que cet oubli, qui vient de trop penser, ne nous porte malheur. Je souffre, mon bien-aimé, et pour peu que tu pousses la cruauté quand je te verrai, jusqu'à m'attribuer à indifférence ce qui vient de l'excès de mon amour, je serai bien malheureuse et capable de me porter à quelque triste extrémité, car rien ne sera plus injuste ni plus cruel. Enfin, je suis malheureuse, voilà le fait. Je n'espère pas que tu seras bon et généreux avec moi quand je te verrai tantôt. Tu ne m'as pas habitué à te trouver compatissant pour des maux cependant bien rudes et bien difficiles à supporter. Je tâcherai de supporter ce nouveau choc avec courage. Mon Dieu, je souffre trop, je t'aime trop. Juliette. 18 février, dimanche, 12h30. C'est bien gentil à vous, mon Toto, d'être venu me baiser ce matin dans mon lit. Malheureusement, ça n'a pas assez duré. Un seul baiser, c'est pas beaucoup. Vous devriez recommencer mieux que ça. Je m'aperçois que j'ai pris ma feuille de papier à l'envers. Heureusement que cela n'empêche rien du tout et n'en est quelquefois que plus commode. Il suffit de s'y habituer. Je vous ai à peine vu, mon Toto chéri. Vous êtes comme le soleil en hiver. Vous vous montrez rarement. Et pas longtemps. Je n'ai pas eu le temps de vous demander si vous n'étiez pas venu ce soir à l'heure du spectacle ce qu'il faudrait faire. Partir tout de même, sans vous avoir vu ni embrassé, c'est bien chasse. Enfin, j'espère encore que vous aurez la conscience de revenir avant l'heure du spectacle. J'ai bien mal à la tête ce matin. J'aurai besoin d'un remède, mais pas les deux mères de la porte Saint-Martin. Autre chose de plus appétissant. Pouah! La vilenie, c'est un vrai spectacle de foire. C'était bien la peine d'attendre un an pour me mener à ce théâtre. Ma rentrée était bien choisie. Heureusement que je vais me débarbouiller ce soir de cette sale et puante prose avec les plus beaux vers du monde. Cela sent bon au moins. Jour Nono. Je t'aime, mon Toto. Je t'adore, mon Victor. Jour, grand jour. Je voudrais être plus vieille de 8 jours pour avoir le droit d'exiger de vous beaucoup de choses. Vous m'entendez, n'est-ce pas? En attendant, je grogne, je vous aime et je vous désire. Juliette. 19 février, lundi après-midi, 1h30. Bonjour, mon cher adoré. Bonjour, mon cher petit amant de 5 ans. Je te donne en désir et en pensée autant de baisers qu'il y a de secondes dans 5 ans. Il faudrait toi pour exprimer ce que je sens. Moi, je ne sais que t'aimer. Tu es à la répétition ce matin. Il me semble que si tu voulais, tu pourrais venir dans la nuit te reposer auprès de moi. Je ferais tout préparer d'avance et tu serais à temps pour ta répétition et nous aurions eu quelques instants de bonheur et d'amour. Je sais bien que tu travailles, mon adoré, je ne le sais que trop. Mais je voudrais que tu eusses assez d'amour pour nous donner les quelques heures que tu as à toi. J'aurai tant soin de ne pas troubler ton sommeil. J'aurai tant de caresses et de baisers à te donner au réveil qu'il me semble que si tu m'aimais un peu de l'amour que j'ai pour toi, tu approuverais ma petite combinaison et que tu viendrais la nuit prochaine. J'ai demandé en m'éveillant s'il y avait une lettre pour moi. Il n'y en avait pas. Pourtant, je ne m'y attends pas du tout. mais j'en désire une du fond de mon âme. Juliette. 19 février, lundi soir, 8h15. Je suis seule, mon adorée, parce que Madame Pierson est allée à Louis XI. C'est bien naturel, seulement elle avait négligé la précaution d'usage de faire dire chez sa portière qu'elle n'y était pas. Enfin, tant bien que mal, je supporte ce contretemps. Je pense à toi, je t'aime, je t'écris, ça n'est déjà pas si mauvais. J'ai envoyé quérir mon dîner qui consistait en un peu de dinde truffée, en fromage de gruyère et en marron, ce qui est assez substantiel pour une faible femme. Jour, nono, jour, mon petit, oh, oh, c'te pièce, oh, c'te tecteur, oh, c'te balle. Oui, quel bonheur de n'y pas aller à c'te pièce-là, quand bien même l'auteur me donnerait un morceau de fromage aussi gros que celui dont il a gratifié l'improvisateur des bords de la Seine. Je refuserais, parole d'honneur la plus sacrée. Quand on a une fois goûté de bon nanan, on renacle sur le pissa, même quand il est servi dans un pot de chambre propre. Je t'aime, toi. Plus je vois les autres hommes, et plus j'entends leur hideux ramage, et plus je te trouve beau et admirablement grand. Je t'adore, c'est bien vrai. 26 février 1838. Lundi matin, 11h15. Bonjour, mon cher petit bien-aimé. Comment vont tes yeux? Si de les baiser mille et mille fois peut leur faire du bien, tu seras guéri tantôt, car je me propose de les bassiner avec mes lèvres. Mon adoré petit homme, je viens de lire ton adorable lettre et les 6 lignes ravissantes que tu as écrites sur mon livre rouge. Que tout ce que tu dis est ravissant et juste, mon bien-aimé. Il me semble, chaque fois qu'il m'arrive de lire quelque chose de toi, ou d'en entendre au théâtre, que c'est un plagiat de ce que je pense et de ce que je sens. Cela vient de ce que j'ai l'amour, et toi, le génie. Tu sais mieux ce qui se passe dans mon cœur que moi-même. Tu sais tout, toi, et tu dis tout admirablement bien. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je sais que je veux dire qu'avec mon amour, si j'avais ton esprit, j'aurais écrit mot pour mot ta lettre d'hier et les quelques lignes qui sont sur mon livre. Joue, mon petit homme chéri, joue, enjoue, mon adoré. Tu es à la répétition sans doute, mon Toto, et moi, pour te récompenser de tant de fatigue et d'ennui, je vais ne penser qu'à toi et t'adorer. À tantôt, mon cher petit homme, j'ai le cœur tout gros en t'écrivant ce mot-là. J'aimerais mieux dire à très tôt, à tout de suite. Je t'aime tant, Juliette. 26 février, lundi après-midi, 5h30. Je passe un lundi gras bien maigre, mon adoré, car je ne vous verrai presque pas aujourd'hui. Votre répétition et les 100 000 autres choses plus importantes que mon bonheur vous retiendront toute la journée loin de moi. Je n'ose pas être triste en dehors, dans la crainte que vous ne vous fâchiez, mais je m'en donne à cœur que veux-tu, en dedans. Jour, mon tôt. Jour, mon gros Toto, si vous m'aviez aimé la moitié autant que je vous aime, vous vous seriez arrangé pour dîner avec moi aujourd'hui, car enfin, c'est encore un anniversaire. Quoi que vous en disiez, c'est bien aujourd'hui que vous avez 36 ans. Vous avez la mauvaise foi de n'en pas convenir, mais moi je passe outre et je dis, j'affirme, que vous avez 36 ans et que je vous en aime 36 milliards de fois plus. Voilà mon système. Oui, je t'aime, mon cher petit homme. Oui, je vous aime, mon beau Toto. Et cependant, je suis triste dans l'âme. C'est que je sens que l'heure de la répétition est passée depuis longtemps et que tu ne viens pas. Oh, si c'était moi, il y a bien longtemps que je serais dans tes bras et que nous serions heureux, Juliette. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net.